Tiré de l'album d'Ali Win Kassé, la première chanson de cet album donc que vous venez d'entendre, qui a pour titre Exina. Voilà, je suis pas sûr de savoir c'est en quelle langue. Il se peut que ce soit en Wolof, peut-être c'est du sénégalais, mais je ne vous garantis rien du tout. Alors, je vous avais annoncé en introduction de l'émission que j'allais revenir donc pour un entretien avec le journaliste Junet Khan. Junet Khan, donc, pour ceux qui le savent pas, mais il est très connu dans le milieu militant et dans le milieu altermondialiste ici au Québec, dans la grande région de Montréal, mais ailleurs au Canada aussi, parce qu'il a publié énormément de textes dans toutes sortes de lieux, militant également en langue anglaise. Junet Khan a été pendant 34 ans journaliste quotidien francophone québécois, donc La Presse. Il vient de publier un livre qui a pour titre « Un autre Maurice est possible », un livre d'ailleurs que vous pourrez vous procurer mercredi prochain, le 25 mai, dans le cadre d'un événement qu'organise le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, donc dans le cadre de la journée de libération de l'Afrique, très brièvement, qui renvoie donc au 25 mai 1963, donc événement qui a donné finalement naissance à l'organisation de l'unité africaine. Donc dans le cadre de cette journée, donc organise le Grilla, je donne tout de suite les coordonnées, mercredi 25 mai à 17h à l'UQAM, au local RM130, donc on aura l'honneur de recevoir Junet Khan comme invité, donc ça sera l'occasion de lancement de son livre. Également Junet Khan sera panéliste dans le cadre de cette table ronde. Nous recevrons également monsieur Ahmed Manaï, donc un opposant historique tunisien. Au nombre donc des panélistes, il y aura également monsieur Mustapha Hanaoui, qui est un activiste égyptien. Voilà, donc cet événement sera aussi l'occasion donc de débattre de la dernière déclaration du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique sur la condition de l'Afrique en 2011. Voilà, une trop longue introduction pour vous introduire donc au livre de Junet Khan. Junet Khan, vous êtes au téléphone, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, Mouloud, je t'entends. Je m'excuse de pas pouvoir être en studio. J'espère que la qualité du son n'en sera pas affectée. Pour le moment, elle est parfaite. Très bien. Voilà, alors je disais que Junet, comme on est copains, je me vais me permettre de tutoyer en ondes. Mais avec plaisir. Voilà, tu as publié l'année dernière un bouquin qui a pour titre « Un autre Maurice est possible ». Oui. Peut-être en introduction pour cet échange, on a l'habitude d'entendre un peu, si vous, dans la vulgate, on a très souvent l'habitude d'entendre l'île Maurice. Mais toi, tu parles de Maurice. Peux-tu d'abord expliquer aux auditeurs et aux auditrices pourquoi tu apportes cette distinction? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, ça a été une des premières réactions des Mauriciens, parce que le livre a été publié, édité et imprimé à Maurice et lancé à Maurice l'an dernier. Et une des premières réactions des gens, ça a été « Mais pourquoi un Maurice? Pourquoi un autre Maurice? Il y a une faute, vous devriez dire une autre Maurice. » Alors j'ai expliqué que je dis un Maurice parce que je parle de Maurice comme État. Comme pays. Ce que tu appelles un état archipel. Et donc majuscule, et donc masculin, et en plus c'est un état archipel. Et c'est un immense archipel, avec d'ailleurs qui est lui-même composé de plusieurs autres archipels, et que l'île Maurice, car il y a également l'île Maurice, ça existe, et la principale île de l'archipel, mais ce n'est qu'une île. Et alors, les gens qui continuent de dire l'île Maurice pour parler du pays, à mon avis, restent prisonniers un peu de la vocabulaire colonial, à l'époque où les Français avaient colonisé l'île, qu'ils avaient appelée l'île de France. Oui, et ensuite, quand les Britanniques ont pris le contrôle, ils ont rétabli l'ancien nom hollandais, qui était Mauritius. Et Mauritius, c'est Maurice, le prince de Nassau. Donc, on dit île Maurice, mais depuis l'indépendance, en 68, c'est le pays Maurice, l'état de Maurice, et depuis la Convention sur le droit de la mer de 1983 de l'ONU, c'est un état archipel dont la zone économique d'exploitation exclusive couvre quelques 2 millions de kilomètres carrés au cœur de l'océan Indien. Alors justement, Junet, comment fait-il comprendre un peu l'esprit qui anime ce livre? Est-ce que c'est une vision pour l'avenir d'abord et avant tout? Oui, c'est surtout une vision pour l'avenir. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il faut faire un retour constant sur le passé. Il y a une dialectique pour nous guider justement vers l'avenir. Et cet avenir, je le situe carrément dans l'esprit de Porto Alegre, du Forum Social Mondial, qui a fait consensus autour de l'idée qu'un autre monde est possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai donné le titre au livre, Un autre Maurice est possible. Et remarque que quand j'écris « possible », c'est peut-être parce que j'apprécie cette approche, qui est une façon de présenter des alternatives, mais il importerait de dire un autre monde est nécessaire, tout à fait, urgent. Mais comme je ne suis pas directif, j'aime pas tellement utiliser le ton impératif, j'ai préféré garder le mot possible. Alors justement, la deuxième question que j'aimerais te poser, Djouned, c'est que je comprends au fil des chroniques que je lis que ta vision pour l'avenir, c'est aussi une vision dans ce monde qui est en mutation, dans ce monde qui change. Il faudrait peut-être que les élites politiques et la société mauricienne prennent conscience qu'il faut cesser de s'accrocher à ses partenaires traditionnels qui font que ce pays est mal inséré dans la logique dominante pour une autre logique. Quelle est-elle selon toi ? Cette autre logique, c'est le nouvel équilibre mondial qui se dessine sous nos yeux. C'est le déclin de l'ordre ancien, l'ordre colonial qui a duré 5 siècles, qui était fondé sur la conquête, la force militaire, l'unilinguisme imposé par la puissance coloniale, le système capitaliste, bien sûr. Et dans le cas de Maurice, il y a eu l'esclavage. Nous avons eu un apartheid mauricien qui n'est tombé qu'en 1958, il y a à peu près 50 ans, un demi-siècle. Donc cet ordre-là est en plein déclin et il y a de nouvelles puissances qui émergent dans le monde non occidental, la Chine, l'Inde, l'Iran, l'Afrique du Sud, Brésil. Le Brésil, l'Argentine, le Mexique, le Chili. Donc nous avons une nouvelle configuration mondiale, et même la Russie, après l'écroulement de l'Empire soviétique et de l'Union soviétique, la Russie qui reprend ses droits, qui reprend sa place, d'abord comme superpuissance nucléaire, mais aussi comme grande puissance pétrolière du monde, et qui cherche, elle aussi, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, à faire prévaloir un monde multipolaire et donc rejeter le monde unipolaire dominé par l'Occident pendant 5 siècles. Alors justement, la logique qu'induit finalement ce monde en mutation semble pour un pays comme Maurice offrir de nouvelles potentialités, mais je comprends aussi dans tes propos que ce que tu sembles dire par rapport à l'ordre ancien, c'est qu'en cherchant de nouveaux partenaires, ce que tu suggères comme propos, ce sont des partenaires de substitution que Maurice devrait envisager. Oui, ben, ce n'est pas nécessairement de substitution, c'est-à-dire abandonner les uns pour s'accrocher aux autres. Je dis simplement de la nécessité d'un rééquilibrage des relations de Maurice. Maurice a été trop longtemps intégré finalement aux métropoles occidentales. Dans le cas de Maurice, c'était Paris, ensuite Londres, et à travers Paris et Londres, bon, l'Amérique du Nord. Je dis que nous avons maintenant, dans notre voisinage immédiat, puisque nous sommes dans l'océan Indien, qu'il s'agisse de l'Afrique à l'ouest, qu'il s'agisse de l'Asie au nord, nous avons là des vastes possibilités, et même en Afrique, on se rend compte que les Africains sont en train de nouer de nouveaux liens avec notamment la Chine, l'Inde et l'Iran, ce qui tout à coup place les Occidentaux dans une situation qu'ils n'ont pas connue, à laquelle ils n'ont pas eu à faire face pendant tous ces siècles. C'est-à-dire que pour eux, l'Afrique était captive et l'Afrique n'avait pas de choix. Maintenant, l'Afrique a des marges de manœuvre et l'Afrique est en train de les utiliser. Tout ça, c'est dans l'intérêt des pays africains. Mmh. Et je dis que Maurice est très bien situé pour être un tremplin, un pont entre l'Asie et l'Afrique. Mais je dis aussi que dans l'esprit d'un autre monde est possible, il faut également revenir sur la vieille le vieux modèle capitaliste, surtout colonial, parce que le système capitaliste lui-même est maintenant en question. On se rend compte, en Occident même, nos sociétés civiles au Canada, au Québec, se rendent compte que le système capitaliste n'est pas durable, ne peut pas continuer, puisqu'il est trop rapace. Écocide. Il est injuste et il est écocide. Alors justement, puisque tu parles de la dimension écologique, quelles sont les ressources et les potentialités que pourrait offrir un pays comme Maurice dans une perspective de réalignement, justement, notamment... Moi, ce que je propose aux Mauriciens, je leur dis, écoutez, l'archipel est grand, on a de grandes ressources, et parce que nous avons cette zone économique exclusive de 2 millions, nous avons une responsabilité de bien gérer ce fonds marin, cette richesse océanique d'une façon durable et responsable. Et ensuite, parce que Maurice, c'est un peu un microcosme du monde entier. On a l'Europe, on a l'Afrique, on a l'Asie, on a l'hindouisme, on a la Chine, on a le monde islamique, tout ça sur cet archipel. Tout à fait. Et que si nous parvenons à développer un modèle alternatif au capitalisme rapace de l'époque coloniale, et que nous arrivons à développer une économie qui soit durable et juste, parce que l'accent est vraiment sur la justice sociale, que nous pouvons même contribuer d'une façon importante à l'émergence d'un modèle pour nos voisins d'abord. Et pour le reste de l'humanité. Et c'est un travail qui se fait, comme je l'ai dit, je le souligne, avec le Forum social mondial. C'est toutes les sociétés civiles du Nord et du Sud qui travaillent ensemble. Alors, Junet, peut-être j'ai trois autres questions avant de finir. Le temps passe vite. La Maurice est située en plein cœur de l'océan Indien. C'est une zone géostratégique importante. J'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, alors, il y a un amiral américain qui a écrit un livre à la fin du 19e siècle, l'amiral Mahan, M-A-H-A-N, qui s'intitulait l'impact ou l'influence de la puissance navale sur l'histoire. Et dans cet ouvrage, il a étudié notamment la guerre de 7 ans, fameuse guerre pendant laquelle les Anglais ont conquis le Canada et l'Inde. Aux dépens des Français. Les Français ont perdu l'Amérique du Nord, ils ont perdu l'Inde. Et à la fin de son livre, Mahan disait que l'océan Indien sera le théâtre de grands enjeux du 21e siècle, et celui qui contrôlera l'océan Indien contrôlera l'Asie, et celui qui contrôlera l'Asie dominera le monde. Tout à fait. C'est écrit dans le livre de Mahan, publié il y a 125 ans. Alors, une autre question, Junaid, c'est de savoir finalement, on n'a pas tellement lisé quoi à partir d'ici, mais très brièvement, comment est reçu ce livre à Maurice et comment la société s'est... Ah, c'est très très bien reçu, très bien reçu, vraiment, j'ai été adulé par les confrères des médias. Mais il faut dire que je suis à Maurice également un personnage plus ou moins politique, puisque... Tu as fondé un parti politique ? J'ai cofondé un parti politique en 1968, un parti que j'ai abandonné parce que, à mon avis, il déviait trop de ce qu'on avait voulu faire. Pour ça, je suis revenu au Canada. Quel est ce parti ? Le MMM, le Mouvement Militant Mauricien. Le parti a connu beaucoup d'avatars au cours des 30-40 dernières années. Notamment, il a éclaté plusieurs fois. Il a été au pouvoir avec d'anciens dissidents, il a été dans l'opposition, et maintenant il est carrément là comme condamné à faire de l'opposition dans un sens traditionnel, dans le contexte mauricien, malheureusement. Mais je suis connu là-bas, à Maurice, les Mauriciens ont une certaine image de moi comme quelqu'un qui, justement, donc, a préféré quitter le parti plutôt que de continuer, parce que j'aurais pu, si j'avais été le moindrement ambitieux pour le pouvoir, etc., rester et composé avec les compromissions. Mais on n'aura pas eu la chance de t'avoir comme journaliste critique ici. Ce que je n'ai pas fait, mais j'ai passé mes 40 années au Canada à sillonner le monde, à observer, à analyser, à voir un peu comment le système mondial fonctionnait. Et c'est un peu le fruit de ces observations, de cette expérience que j'apporte aux Mauriciens pour leur dire, avec une analyse très très dialectique qui relie le local au global, dans le monde du 21e siècle où nous vivons, pour leur dire voilà l'architecture mondiale, comment ça fonctionne, voilà comment un petit pays comme Maurice n'a pas d'avenir s'il essaye de faire cavalier seul. Exactement. Ou même s'il continue de s'agripper aux basques de ses anciennes métropoles. Il faut vraiment là qu'il se libère, qu'il regarde dans son voisinage immédiat, qu'il multiplie les échanges avec l'Afrique, dont il fait partie. Maurice est un membre de l'Union africaine, et aussi avec l'Inde et la Chine, qui sont les pays d'origine de beaucoup de ses habitants. Alors, tout ça, c'est un appel aux jeunes, appel aux femmes qui réclament de plus en plus de participer à la vie de la cité, à la vie collective, à la vie politique. Et je mise beaucoup, justement, sur les mouvements des femmes, sur les mouvements des jeunes, sur le mouvement des écologistes, sur les mouvements de la gauche, qui est assez dispersée pour le moment, mais qui vraiment fait un travail héroïque pour dire ce sont là les forces de l'avenir. Maurice est souvent présenté, au reste de l'Afrique a été présenté comme un modèle, surtout par la Banque mondiale et le FMI. Et c'est aussi une façon pour moi de dire aux Africains, on vous a présenté le modèle, mais je vous présente le revers de la médaille. Tout à fait. Et que c'est vrai que Maurice a une démocratie parlementaire, mais c'est une démocratie parlementaire avec d'énormes failles qui demandent à être approfondies. Jusqu'à là-bas, jusqu'au niveau citoyen, jusqu'au niveau des quartiers. Alors justement, puisque tu ouvres sur la démocratie, le type de démocratie à Maurice, certaines de tes chroniques ont été publiées dans le journal Le Matinal. Je ne peux pas ne pas te poser la question sur la situation politique interne. Et quelle est ton analyse par rapport à la force politique au niveau local incarnée notamment par l'Alliance sociale? L'Alliance sociale est un peu, dans le cadre mauricien, toute proportion gardée, notre ANC à nous. C'est notre Congrès national africain. En Inde, si on prend le parti du Congrès, qui a été le mouvement qui a charrié le courant indépendantiste, avec l'appui des travailleurs, des syndicats, du petit peuple, etc. Et l'Alliance sociale, donc, continue de surfer sur cette... Légitimité, voilà. C'est ce prestige, cette légitimité, mais malheureusement, n'arrive pas à avoir l'audace qu'il faut pour faire les virages et les changements de cap qui s'imposent en ce début du 21e siècle. Alors, peut-être une autre question. Quand on a vécu 34 ans à l'étranger, et comment tu expliques un peu ton regard? C'est un regard de l'intérieur ou bien c'est le regard du journaliste, l'observateur averti à partir de l'extérieur? C'est les deux à la fois. Moi, j'essaie d'expliquer. J'ai donné beaucoup de conférences quand le livre a été lancé à Maurice. J'étais dans des villages, dans des collèges. Surtout au niveau des finissants du secondaire, j'ai beaucoup expliqué tout cela pour leur dire que j'ai vécu ma vie quand même comme un tout. Je n'ai pas vu l'exil comme une rupture. Pour beaucoup de gens, l'exil est une rupture. Pour moi, l'exil a simplement été une façon d'aller voir comment le monde fonctionnait, comment Maurice trouvait sa place dans ce monde-là. Et puisque le monde est en train de changer, de basculer, en 68, quand j'ai lancé le MMM, j'avais, avec les camarades, on pensait qu'il fallait changer l'ordre mondial. Mais à ce moment, la plupart des gens disaient « Mais c'est pas possible, vous rêvez, c'est un ordre mondial qui va durer 1000 ans. » Or, voilà, 50 ans plus tard, on voit que l'ordre mondial change comme il n'a pas changé depuis 5 siècles. Johnny, il y aura tellement de questions que je voudrais te poser. Ouais. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que tu seras à l'UQAM mercredi le 25 mai prochain. Ah, ce sera au local un honneur pour moi, ce sera l'honneur. Au local RM130 à partir de 17h. Une dernière question, très rapidement, Junaid, ta réponse. Pour tes amis lecteurs et lectrices qui ont l'habitude de te lire, et aujourd'hui que tu es retraité, si jamais ils se posent la question de ce que tu deviens, en quelques mots? Ah ben écoute, j'ai pris ma retraite justement pour écrire de livres que je rêvais d'écrire depuis longtemps. Un premier pas a été fait, je pense que c'était bon, c'est une dette envers mon pays natal, dans un contexte globaliste et mondialiste. Je l'écris comme citoyen du monde. Et maintenant, je travaille sur un bouquin. J'avais pensé à parler de l'Irak, puisque j'ai beaucoup couvert la guerre d'Irak, mais là, avec la révolte arabe, le réveil arabe depuis l'Atlantique jusqu'au Golfe, je me dis, je vais plutôt relier les deux, parler de l'Irak, Palestine et du réveil arabe en même temps. C'est mon projet actuel en chantier. Voilà, c'était Junaid Khan. Merci infiniment, Junaid. Avec ton regard, j'espère qu'on cessera de faire un profil bas sur les pays un peu comme le tien, qui sont un peu marginalisés dans l'actualité. Je rappelle donc, pour ceux qui nous écoutent, que ce sera mercredi le 25 mai prochain, à partir de 17h à l'UQAM, au local RM130, une activité qu'organise le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, dans le cadre donc de la journée de la libération de l'Afrique. Encore une fois, au nom de tous mes collègues, Junaid, merci infiniment. Merci Mouloud, merci Amanda et merci au Grilla. Au revoir. Au revoir.